On va faire le tour du baseball, l'actualité dans le baseball. On va en parler avec Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Oui, ça va bien. Bruno, t'es-tu comme moi? Moi, j'aime ça, cette période-là, avant les assises, aller jusqu'aux fêtes. Là, c'est pas mal le fun, parce que ce qu'on entend, on entend toutes sortes d'histoires, de rumeurs, de joueurs autonomes, évidemment. C'est une bonne année. Imagine-toi, l'an prochain, ça va être encore plus intéressant. Bryce Harper, actuellement, il serait joueur autonome. Clayton Kershaw, ça va être l'enfer l'an prochain. Mais là, il y a beaucoup d'actualités. Je sais pas si t'aimes ça, toi, cette période-là. C'est pas mal le fun. Oui, vraiment. Moi, c'est un des moments aussi de l'année. Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus de match, là. Ouais. Fait que la saison est terminée. Mais disons, entre la série mondiale, là, qui se termine normalement le fin octobre, début novembre, puis la période là où il y a les assises là, en début décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de spéculation. Des rumeurs sur les agents libres, des rumeurs de transactions. Il y en a déjà eu des transactions depuis le début de la période, entre autres, des Mariners et des A's qui ont fait un échange la semaine dernière. Donc, il commence à avoir des mouvements de personnel. Les équipes se préparent. Puis généralement, après, rendu à la mi-décembre, là, ça vient un peu plus tranquille jusqu'au camp d'entraînement. Mais la période qu'on est dedans, là, surtout, là, il reste à peu près là, une semaine avant les assises. Là, c'est vraiment la spéculation au maximum. Puis là, dans les assises, on risque de voir les gros contrats se donner. Il y a le dossier, entre autres, au niveau des échanges là, de Giancarlo Stanton qui continue de faire jaser. Otani, est-ce qu'il va traverser, avec qui il va jouer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est une période intéressante pour les gens aussi qui suivent le baseball. C'est une période aussi où on voit un petit peu la stratégie, la construction des équipes pour le futur. Tu sais, on en parle souvent des Blue Jays, par exemple, où on n'est pas trop certain de l'orientation qu'ils prennent. Ben, on essaie de voir dans cette période-là ce qu'ils vont commencer à façonner un peu l'équipe pour l'an prochain ou finalement ils décident de rester sur leur statu quo. Donc, c'est un moment vraiment charnière là, de la saison. OK. Bruno, grosse nouvelle dans le monde du baseball. Ça n'a pas paru beaucoup, mais ça a des impacts énormes. L'histoire du directeur général des Braves d'Atlanta. On sait que lui est banni à vie, l'ancien directeur général, ce qui fait en sorte qu'Alex Antopoulos est maintenant rendu à Atlanta. Mais toute son histoire, ça va avoir des répercussions pour Alex. Là, c'est incroyable ce qui se passe. Là. Les Braves, cette semaine, qui ont perdu les droits sur 12 joueurs, et là-dedans, il y a des bons prospects. Là. Oh oui, puis dans le fond, il y a plusieurs couches hein, à ce dossier-là. En fait... ça vient compliqué avec la nouvelle convention collective, avec les signatures, surtout à l'international. On va en reparler tantôt avec le cas de Otani aussi. Là, ouais. Pour ce qui est des Braves, en fait, ce qu'ils ont fait, puis on se souvient l'an passé, ce qui avait passé un peu en dessous du radar, mais les Red Sox qui avaient été également pénalisés de quelques joueurs parce que, dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regroupaient des signatures, c'est-à-dire ils signaient un joueur un peu moins cher pour en donner un peu plus à un autre avec des... C'était tout arrangé avec les agents. Et du côté des Braves, on est allé vraiment plus loin, c'est-à-dire qu'on a dépassé de beaucoup en contournant de différentes façons là, dans le marché et autant là, en Amérique latine qu'en Asie du côté des Braves d'Atlanta. Et ce que ça a donné en termes de résultats nets, c'est que non seulement on a perdu plusieurs joueurs, on a perdu plusieurs millions de dollars en bonus de signatures qui ont été donnés et qui ont été perdus. Puis on a perdu aussi des pénalités pour le futur. Là. C'est pas terminé. Là. Le commissaire du baseball continue d'examiner le dossier. Il continue de creuser pour voir s'il y a d'autres sanctions qui vont être données à l'équipe. Mais quand tu parlais tantôt d'Alex Antopoulos qui débarque là, lui, il va arriver avec une situation où il va avoir les mains extrêmement liées pour les 4-5 prochaines années au niveau du marché des joueurs internationaux. Il y a des pénalités, il y a des années qu'ils ne pourront pas aller en chercher, il y a des années qu'on va couper de moitié. Le pool d'argent qui leur est alloué, ce qui va à toute fin pratique les placer vraiment en fin de liste là, pour les possibilités pour les bons joueurs. Donc c'est quelque chose d'assez majeur et je trouve que c'est quelque chose d'assez sérieux. Écoute, on a banni à vie le directeur général d'équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs ou d'anciens dirigeants du baseball majeur qui sont bannis. On pense rapidement à Pete Rose comme exemple. Mais et quelques autres joueurs qui ont pris des produits dopants, entre autres qui ont été pris trois fois et qui ont été bannis. On retrouve également l'employé là, à l'époque des Cards de Saint-Louis en 2007, Chris Correa, qui lui avait piraté le système informatique. On s'en souvient, là, ça avait été toute une histoire. Ils avaient piraté le système des Astros de Houston et les Cards avaient subi de grosses pénalités à ce moment-là. Alors, je pense que le baseball a la bonne approche. On prend ça au sérieux et ça fait des années que ça dure. Je lisais des commentaires d'experts en recrutement et les scouts là, sur différents sites ce matin. Et c'est pas la seule équipe qui procède à des pratiques un petit peu douteuses, un petit peu limites comme ça. Sauf que c'est une équipe qui est allée beaucoup trop loin puis ça venait des consignes du directeur général. Donc, je pense que c'est la bonne décision du côté du baseball majeur de le bannir. Mais comme tu as dit, c'est sûr que pour Antopoulos, ça va rendre sa tâche difficile de reconstruire les Donc, Braves. Dans les joueurs, il y en a quand même quelques-uns, c'est ça, c'est des noms qu'on n'entend pas parler, que personne connaît, là, sauf qu'il y a quand même des joueurs, je regarde la liste des joueurs, il y a Kevin Mayton, qui est le cinquième meilleur prospect de l'organisation des Braves. Si je ne m'abuse, les Braves perdent les droits. Il y a également Abraham Gutierrez, qui est un joueur du Venezuela, également qui était considéré comme un très, très gros prospect, également que les Braves perdent également. Donc, 12 joueurs, c'est pas pour rien, c'est une grosse action. Autre élément d'actualité, évidemment, c'est le japonais Otani. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Otani, on l'appelle le Babe Ruth du Japon. Et pourquoi on l'appelle le Babe Ruth du Japon? C'est parce qu'il est capable de frapper, il est capable de lancer. On pensait qu'avant qu'il allait venir cette année, mais là c'est de plus ou moins sûr, parce que là lui ce qu'il veut, c'est que les journées qu'il lancera pas, qu'on l'emmène comme frappeur. Et ça, c'est peut-être pas toutes les équipes qui vont vouloir ça. Et lui, il va avoir ça comme garantie absolument. Là. Et écoute, c'est une grosse histoire sur le Japon. Là, parce que Otani, j'ai écouté Martin Leclerc au 91.9 parler hier. On dit que comme lanceur, on le compare à Justin Verlander, et c'est un frappeur qui pourrait frapper 35 circuits. Ça va révolutionner le baseball, ça. Oui, puis en fait, avec cette semaine un peu plus tôt, là, il y a eu certaines rumeurs là, du côté du baseball majeur, comme de quoi il y aurait une entente avec la Ligue du Japon. Donc, on reconduirait pour cette année les règles d'admissibilité. Fait que pour faire une histoire courte, Otani, 23 ans, s'il attend à 25 ans, il n'y a aucune contrainte. On parle, il pourrait recevoir des offres qui oscilleraient entre 200 puis 250 millions de dollars pour traverser puis venir jouer aux États-Unis. S'il quitte cette année, puis c'est ce qu'il semble dire. Là, Tani lui veut vraiment s'en venir. Il semble pas motivé par l'argent pour le moment, mais plus par le défi. On parle toutes les équipes en fait sont dans la course, parce que dans le fond, ça va coûter 20 millions qu'on va donner à l'équipe de Otani. Et par la suite, on va aller chercher le maximum qu'on a dans le pool de signatures internationales. Actuellement, il y a quelques équipes là, qui ont plus de 3 millions, entre autres les Rangers du Texas, les Yankees de New York. Ensuite, ça descend graduellement jusqu'à une quinzaine d'équipes là, qui ont le minimum à 300 000 $ par année. Et dans le cas de Otani, ben à ce moment-là, il recevra pas énormément d'argent pour ses deux premières saisons, mais il a mentionné à plusieurs reprises qu'il veut s'en venir, il voulait trouver une façon de s'en venir aux États-Unis. Et c'est certain que cette garantie-là, il y a des équipes qui vont avoir de la difficulté à l'honorer. Puis en même temps, Dan, plus le dossier avance, plus on se rend compte que même si toutes les équipes, parce que c'est pas une question nécessairement d'argent, toutes les équipes sont pas mal dans le coup. En même temps, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes là, qui vont pouvoir donner à Otani ce qu'il souhaite. C'est sûr que lui aussi va vouloir de la visibilité. Les derniers joueurs japonais qui sont venus ont la plupart été évolués dans de gros marchés. Ce qui fait qu'il y a quelques équipes qui sortent du lot, là, les Dodgers, les Yankees, les Mariners peut-être, considérant leur historique là, de joueurs japonais. On a les Twins qui seraient supposément très agressifs, qui ont de l'argent à donner du côté de Otani. Mais en même temps, je disais un article intéressant hier sur le sujet d'Otani, puis tu le mentionnais tantôt, c'est quelle équipe va être prête à honorer cette garantie-là? C'est-à-dire que le jeune va venir, il va lancer, qu'est-ce que tu vas faire avec lui la journée qu'il ne lancera pas? T'sais, dans la Ligue américaine, tu peux le mettre comme frappeur désigné, alors que dans la nationale, ben là, s'il lance, il va frapper la journée qu'il va lancer, mais après ça, tu vas l'utiliser seulement comme frappeur suppléant, tu peux pas le lancer dans le champ. Faut favoriser l'équipe de la Ligue américaine. Mais encore là, absolument. Mais encore là, l'historique des lanceurs japonais, c'est pas très, très, très. On en a parlé plusieurs fois, Bruno aussi. L'historique des lanceurs japonais, beaucoup de maux de bras. Tu dépenserais-tu une fortune? Ben, en fait, l'important, je pense, pour le moment, c'est qu'il n'y aura pas de fortune, probablement, à dépenser. Ouais, c'est ça. On a mentionné tantôt. Et l'autre chose, c'est, je pense que ça va donner l'occasion à l'équipe d'aller voir un peu ce qui va se passer pour le futur. Puis, tu sais, en même temps, Otani non plus, il est pas fou. S'il signe, par exemple, avec les Yankees, à un salaire quand même peu élevé, puis il se présente à New York, il va arriver dans un environnement, c'est un frappeur gaucher, on connaît le stade avec la petite clôture du côté du champ droit. C'est un gars qui pourrait s'emmener comme frappeur désigné parce que, présentement, ce qu'on regarde l'an prochain, ça serait peut-être Jacoby Ellsbury qui serait frappeur désigné. Ça serait vraiment une amélioration là-dessus. Les Yankees ont besoin de renforts au niveau de leur rotation de partant parce qu'en relève, ils sont bien organisés. Fait que quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, y compris en plus cette semaine, je disais dans le journal de New York, on tente d'utiliser Deki Matsui pour amener Otani à New York. T'sais, on s'entend, là, c'est la plus grosse franchise de baseball dans le monde. On a des gars japonais qui ont passé là, Matsui, Ichiro, il a joué là. Donc, tout semble indiquer que Otani, si jamais ça se confirme qu'il s'en vient, ça va être du côté des Yankees de New York. Et quand tu viens d'en parler, est-ce que on va prendre un risque à ce moment-ci? Ben, on n'a pas besoin de le prendre, monétairement parlant. Puis on va pouvoir observer qu'est-ce qu'il y a dans le bras. Mais c'est certain que, historiquement, les lanceurs japonais lancent beaucoup plus de 16 à 22 ans dans leur développement que les lanceurs nord-américains. Puis sur le long terme, on l'a vu, puis ton point est extrêmement bon. Puis les Yankees en ont un exemple avec Tanaka. Hein. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on évite l'opération Tommy John. On étire l'élastique le plus possible. Mais en même temps, imagine tout le coup de publicité pour les Yankees. Je pense que ça serait la meilleure situation gagnant-gagnant. Puis Otani, sans faire de l'argent nécessairement avec le contrat, pour le moment, c'est certain que de l'autre côté, la commandite au Japon, un peu comme Darvish est allé chercher lorsqu'il a traversé du côté de l'Amérique également. Donc, tout semble indiquer qu'il va se ramasser avec les Yankees si jamais il traverse. Et à ce moment-là, on sera en mesure de mieux l'évaluer parce que je suis pas sûr, moi, Dan, que jouer les deux positions pour avoir du succès dans le baseball majeur, ça va être possible. À long terme, non. À long terme, non. Peut-être à court terme, ça va être spectaculaire, mais à long terme, j'ai hâte de voir. Bruno, les Blue Jays, faut pas faire autrement que de parler des Blue Jays. Il y a plusieurs joueurs qui ont été également du système de recrutement qui ont été du système de réseau de filiales qui ont été pognés par dopage ce matin. On en parle. Sauf que moi, je veux te parler des rumeurs qui circulent à Toronto concernant les joueurs autonomes. Et celle que j'ai vu passer cette semaine, c'est J.D. Martinez, l'excellent frappeur de choix. Qui est un voltigeur qui serait dans la mire des Blue Jays. Par contre, on dit que les Red Sox et les Diamondbacks de l'Arizona seraient en avance. C'est évident que ça prend un voltigeur à Toronto. On a également vu passer une rumeur que Lorenzo Cain intéresserait également les Blue Jays. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Ross Haskins et Mark Shapiro vont faire. Moi, tu connais ma position sur eux. J'ai pas une grosse confiance en eux comme pour attirer des joueurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans le cas des Jays. Et le contrat de Donaldson également. On n'en a pas parlé de Donaldson. J'en ai parlé avec Mark Griffin cette semaine, la semaine passée. Faut que ce soit réglé au camp d'entraînement, cette situation-là, parce que ça risque d'être très problématique en 2018. Ah, ça, c'est certain. Puis c'est le point que j'allais emmener en premier, Dan. Dans le cas des Blue Jays, leur priorité numéro un, s'ils veulent être sérieux pour la construction, la continuité avec l'équipe qu'ils ont actuellement, c'est de signer George Donaldson. Le prix va juste monter. Mm. Dans le fond, si tu le signes là, ça va te coûter moins cher qu'au camp d'entraînement, moins cher qu'au milieu de la saison prochaine. Puis encore là, d'après moi, s'il n'a pas signé au camp d'entraînement, ça va se donner une situation un peu comme on a vu avec Encarnacion ou José Bautista, où les gars vont dire « Bon, ben moi, je signe pas, on parle pas de contrat durant la saison, puis je vais prendre mon autonomie à la fin de la saison. » Et à ce moment-là, les Blue Jays, ce serait pas mal certain qu'ils vont perdre Donaldson. Et en même temps, ben Tu ne veux pas te ramasser dans une situation non plus où les autres équipes te voient venir. Là. Si les Blue Jays ont un mauvais début de saison l'an prochain puis tu décides de l'échanger, ben les autres clubs savent bien que tu as les mains liées un peu par la situation contractuelle aussi. Donc, à moins que l'équipe qui va acquérir ses services puisse le signer à long terme, puis peut-être qu'à ce moment-là, les Blue Jays vont recevoir un peu plus dans un échange. Fait que c'est le joueur clé, la pièce clé, c'est Donaldson. Dans le cas de J.D. Martinez, c'est un joueur qui a connu une excellente saison, mais c'est un gars qui, à 30 ans, là, ce qu'on entend, les rumeurs qui circulent, là, c'est qu'il rechercherait un contrat de 8 ans puis 200 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pour un marché comme Toronto, c'est beaucoup d'argent, mais même pour un joueur comme J.D. Martinez, c'est beaucoup d'argent. Et la durée aussi. Actuellement, il y a plusieurs équipes. Là. Ben, c'est ça, la durée et le fait qu'il y ait plusieurs équipes. C'est comme trois éléments qui, à mon avis, défavorisent les Blue Jays parce que je pense pas qu'on va le mettre autant d'argent sur un gars comme Matt. Martinez non plus. Puis c'est un gars qui t'as jamais joué dans ton équipe, fait qu'il sait pas comment qu'il va s'acclimater tout ça. Un candidat qu'on entend beaucoup plus parler aussi dans la dernière semaine, c'est Jay Bruce. C'est pas d'hier, Jay Bruce. Ça fait au moins 2 ans que les Blue Jays ont là sur Jay Bruce. Oh, oui, ça fait 2 ans, puis dans le fond, l'an dernier, tu sais, Bruce, il a le même âge, 30 ans, mais ça risque probablement de coûter moins cher, moins d'années. Puis l'an dernier, il y a eu quand même une excellente saison, frappé seulement 254, mais 36 circuits, 100 points produits. Frappeur gaucher. Autant les Mets que Cleveland. Frappeur gaucher, score très bien au avant d'alignement, puis je verrais très, très bien s'insérer derrière Donaldson dans le rôle offensif. Donc, peut-être que ça sera peut-être l'approche que les Blue Jays vont préférer prendre, c'est-à-dire tenter de signer Donaldson à long terme parce que c'est un joueur qu'on connaît, que les partisans aiment, puis qui est capable d'apporter de quoi d'intéressant à l'organisation, un joueur de coin d'avant-champ, et par la suite aller chercher un gars comme Jay Bruce, un contrat peut-être de 3 ou 4 saisons, et à ce moment-là, avoir un cadre de la formation qui est mis en place pour plusieurs années. Mais je pense vraiment pas qu'on va se lancer dans aucun derby qui va nous mener dans du 6 ans 150 millions, du 8 ans 200 millions pour un gars comme J.D. Martinez. Aussi bon Martinez le soit-il en passant, il a connu une excellente saison, là, mais ça reste que c'est énormément d'argent puis d'années pour un joueur qui est quand même déjà rendu à 30 ans. Ouais. Bruno, très intéressant, on se reparle dans 15 jours avec la chronique encore dans le monde du baseball. Merci Dan. Collaborateur Bruno Boudreau.